mes serments d'amour ressemblent à des hiéroglyphes. Tu me rejettes et puis j'accours. Je suis le moderne Sisyphe. Je n'ai pas le droit de perdre la foi, de tout laisser choir. Je veux juste y croire. Je n'ai pas le droit d'être dans le froid. Je voudrais ce soir, à mon désespoir, pourtant ce n'est pas si simple. Tu dis que mes serments d'amour sont éperdus, mais ambigus. Un peu comme des calembours faisant penser à des rébus. Tu dis que mes serments d'amour sont des paroles convenues. Venues pas le droit de perdre la foi, de tout laisser choir. Je veux juste y croire. Je n'ai pas le droit d'être dans le froid. Je voudrais sursoir à mon désespoir. Pourtant ce n'est pas si simple. Je n'ai pas le droit de perdre la foi, de tout laisser choir. Je veux juste y croire. Je n'ai pas le droit d'être dans les froids. Je voudrais sursoir à mon désespoir. Pourtant ce n'est pas si simple. Pourtant ce n'est pas si simple.